Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus sur Radio Gémozo 107FM et aujourd'hui, immersion au sein d'une manifestation spinalienne née en 2016, la Fête des Images qui aura lieu pour sa 4e édition ce week-end, le vendredi 20 et le samedi 21 septembre. Et avec nous au téléphone pour nous en parler, Monsieur Philippe Urbain. Philippe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va pas trop mal. Eh ben, c'est super. On a le beau temps, donc tout se prépare bien. Eh ben, j'imagine que oui, c'est très important. Alors, nous l'avons dit juste avant, la Fête des Images a été créée en 2016. Dans quel but Épinal propose cette Fête des Images? Alors, l'idée en fait de la Fête des Images, c'est vraiment de mettre à l'honneur le patrimoine spinalien. C'est vrai qu'on connaît l'imagerie, l'ancienne imagerie, le musée d'images. Il y a quand même une école supérieure d'art de Lorraine, donc, qui est implantée à Épinal, qui forme des illustrateurs, des graphistes. Donc on a quand même un patrimoine très fort et la Fête des Images permet de mettre un focus sur tout ce patrimoine et de le projeter un petit peu dans l'avenir, dans le sens où on utilise des techniques modernes telles que le mapping. Donc le mapping, c'est diffusion de vidéos sur les façades, monumentales. Donc voilà, l'idée c'est vraiment l'image dans tous ses états. Et ben, c'est super. Alors cette année, la Fête des Images est programmée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, tandis que les années précédentes, c'était plutôt programmé en juin. Tout à fait. Donc c'est un peu la même idée. Alors il y avait quand même deux éléments. Le premier, c'est que il y a beaucoup de choses qui passent au mois de juin, donc voilà, ça mobilise beaucoup de personnel de la ville et tout s'enchaîne. Donc c'est vrai que juin, les journées sont grandes, il fait bon, mais accumulé beaucoup trop. Donc l'idée, c'est de décompresser un petit peu ce mois de juin pour installer la Fête des Images à un autre moment. Et comme on est en prise directe avec le patrimoine, la bonne idée de se caler sur les journées européennes du patrimoine est venue. Et c'est vrai que c'est quand même pas si mal parce que la nuit tombe un tout petit peu plus tôt, donc ça permet à un public familial de venir, même si on est dans le mois de la rentrée, trois semaines après la rentrée. Et puis avec les dernières saisons qui sont quand même pas trop mauvaises, on profite encore du climat qui est, ma foi, pas trop mal. Et puis là, en l'occurrence, on sait qu'il va faire beau durant ces trois journées et que même les températures vont remonter à partir de demain. Ça va être un tout petit peu frisqué ce soir, mais bon, ce soir, c'est un peu le calage, donc c'est pas encore vraiment démarré. D'accord. Mais à partir de demain, il sera meilleur et donc on aura deux superbes journées pour accueillir le public. C'est le dessinateur de presse, écrivain et auteur jeunesse, metteur en scène, peintre vosgien, donc un homme multicasquette, Claire Arthur, qui sera mis à l'honneur ce week-end. Voilà, donc Claire Arthur est quand même bien connu. Oui. C'est vrai qu'il a un passé d'imagier des imageries d'Épinal, mais il y a tout ce que vous avez pu citer, sa casquette de metteur en scène, sa casquette d'illustrateur, sa casquette d'auteur en littérature de jeunesse, il a fait plein d'autres choses. Donc c'était intéressant, compte tenu de son univers particulier, de lui demander de contribuer à la Fête des Images. Alors là, il a fait un boulot incroyable parce que s'était renseigné un petit peu sur la technique du mapping et il avait vu, pour l'anecdote, qu'il fallait je sais plus combien de centaines de dessins pour faire quelques minutes de film. Et il s'est mis à dessiner. Il a du coup sorti quasiment 1000 illustrations, 1000 peintures. Incroyable. Incroyable pendant plus d'une année. Et Damien Fontaine, donc, qui est notre super metteur en scène, technicien bien connu pour ses spectacles, notamment celui qui fait à Don Rémy, mais partout au travers de la planète, Dubaï, Bogota, enfin bon, voilà, j'en passe des meilleurs, réutilise donc les dessins et ils travaillent ensemble, Claire Arthur et Damien Fontaine, pour peaufiner ce spectacle qui sera présenté dès demain soir sur la place de l'Ape et la place Edmond-Henri, puisqu'en fait, c'est deux spectacles qui s'enchaînent. Un diffusé sur la façade du Palais de Justice, donc qui fait à peu près 8 minutes, qui amorce en quelque sorte le spectacle, et ensuite ça glisse doucement sur les façades trouve de l'autre côté de la basilique, côté place de l'Âtre, au-dessus de, d'un certain nombre de restaurants bien connus des Spinaliens. Et là, la deuxième projection fait à peu près 15 minutes. Donc en gros, on a 23 minutes de spectacle Pierre-Arthur Damien Fontaine sur cet endroit-là du centre-ville. Super, un superbe son et lumière. Alors justement, là, c'est l'occasion de mettre cette place de l'Âtre en lumière, hein, c'est le cas de le dire. Oui. Cette nouvelle place, hein, avec tout ce qui a été refait autour de la basilique, qui est quand même très beau. Et là, ça va être un spectacle magnifique. Oui, alors j'ai parlé effectivement de ce qu'il y aura sur les façades, mais naturellement, il y a tout l'habillage lumière, oui, qui va avec. Sur les façades, mais là en particulier sur la basilique Saint-Maurice, hein, qui sera vraiment mise à l'honneur au milieu de... Donc ça va vraiment être une place de lumière, tant sur la basilique que sur les façades. Et ben voilà. Voilà. Et tout autour, puisque si je peux me permettre, le public va pouvoir cheminer autour de cette basilique, y découvrir un certain nombre d'expositions qui sont autour, notamment des panneaux des projets photos d'école supérieure d'art de Lorraine, des anciennes images du chemin des images prêtées par le musée de l'image. Mais sur la façade du beffroi de la basilique, sera à nouveau projeté un mapping de 7 minutes qui avait déjà été projeté l'année dernière, et là qui est une conception 100% Damien Fontaine sur le patrimoine religieux d'Épinal. D'accord. Et là, c'est vraiment une magnifique réalisation où on voit avec toutes ces techniques vidéo le beffroi se construire, se déconstruire avec des flammes. Enfin bon, c'est vraiment grosse vidéo. Mais voilà. Super. On le comprend un petit peu. Hein. Il y aura beaucoup de choses de proposer, de l'art urbain, exposition, de l'atelier jeune public, encore du spectacle vivant. Est-ce que vraiment on peut se lancer dans le programme justement de cette quatrième édition de la Fête des Images? Oui, si vous voulez. Alors, l'idée, c'était que, bon, il y a tout ce qui est spectaculaire, donc qui est effectivement plutôt la nuit, au moment où le soleil se couche, donc c'est ce qu'on a un peu évoqué, donc le spectacle phare de cette année dont on vient de parler, c'est Claire Arthur et Damien Fontaine. La place des Vosges aura aussi ses projections, puisque maintenant la place des Vosges est dédiée à la création des jeunes talents et de artistes confirmés, notamment au travers du concours international de mapping. Donc on a reçu quasiment une trentaine de films, une petite trentaine de films courts, hein, entre 1 minute et 3 minutes, de toute façon le maximum était de 3 minutes, et ces films sont enchaînés. Alors une partie pour les jeunes talents, donc vraiment des jeunes qui se lancent dans la discipline, et puis d'autres jeunes ou moins jeunes qui ont déjà bénéficié d'ateliers encadrés par des professionnels, qui ont pu retravailler leur séquence, notamment pour la Fête des Lumières à Lyon, puisqu'il y a un partenariat, il faut le savoir, entre Épinal, Cité des Images, et la Fête des Lumières de Lyon, qui est quand même très reconnue sur tous ces spectacles. Et il y a toute une filière qui vise en fait l'objectif d'une professionnalisation des jeunes vidéastes, et ce concours international, ainsi que les ateliers qui sont dans l'ombre, dont on ne parle guère, mais qui accompagnent en fait cette création, puisqu'il y en aura un d'ici quelques mois pour justement préparer les jeunes à la diffusion de leur spectacle à Lyon, mais il y en aura un autre qu'on accueillera nous en février-mars à Épinal. Donc participe à la formation des jeunes créateurs, et on retrouve leur projection ensuite soit dans le concours, soit dans les commandes qu'on va pouvoir leur faire, puisque cette année, le gagnant du concours des artistes confirmés se verra confier une façade, en l'occurrence la façade du beffroi de la basilique, pour la projection de la Fête des Images 2020. Ah oui, voilà. D'accord. Donc, place des Vosges, c'est réservé à la jeune création. D'accord. On a, je le redis très vite, mais autour de la basilique, l'exposition de l'ESAL, donc quand même 6 étudiants qui ont travaillé sur la photographie et qui propose 3 clichés par étudiant sur une thématique commune qui est la thématique des citations, donc à découvrir. Le chemin des images, donc 12 reproductions en très grand d'un travail qui avait été fait en 2018 par une artiste, voilà. Et puis la façade du beffroi, des petits cadres, on s'est dit il y a des grosses projections, des gros formats, faisant le contraste et du côté de la rue Pelet, Oui. Donc, côté portail des bourgeois, il y a 6 petits cadres avec des images choisies dans le patrimoine du musée à l'effigie de cœur, puisque la thématique retenue par Arthur tourne autour des battements de cœur. Et donc là, on pourra s'approcher et à 2 ou 3 personnes regarder ces tout petits cadres. Et puis donc une autre animation importante aussi, c'est celle qui aura lieu sur le quai Serrault, puisque au milieu de la Moselle a été installé un écran d'eau. D'accord. Donc qui va diffuser en fait, qui va faire un écran en éventail sur 14 mètres de haut et un peu plus de 20 mètres de large. Ah oui. Et dessus va être projeté en fait toute une série d'œuvres de Pierre Arthur qu'il a sélectionné donc dans ses œuvres, voilà, donc à découvrir dans le patrimoine de Pierre Arthur. Et on a repris également des images du musée de l'image, toujours pareil sur la thématique du cœur. D'accord. Et ça fait le parallèle avec ce qu'on a appelé la box du musée de l'image, qui sera située juste à côté, sur le square de Juillet. Et à l'intérieur de cette box, qui sera un entresort, donc on peut rentrer à 3-4 personnes, découvrir un petit film de 3 minutes, où là, les équipes du musée d'image se sont amusées à animer, comme d'ailleurs ça s'appelle dessin animé, mais il y a un jeu de mots, puisque c'est pas dessin au sens dessiné, oui. C'est dessin, S-A-I-N-T-S, mmh. Ils ont pris dans l'imagerie pieuse, ils ont redécoupé des personnages, et en fait, ça crée des petits courts-métrages très très intéressants à partir d'images traditionnelles. Incroyable. Voilà. Et puis naturellement, pour compléter ce panorama, toutes les collaborations, partenariats qu'on peut faire avec la BMI, oui. La bibliothèque, la médiathèque intercommunale qui fêtera ses 10 ans et qui pour le coup accueille les expositions photographiques de l'exposition photographique de Julien Félix, mais également des portraits de bibliothécaires. Oui. Il y a naturellement le mur avec donc en street art, oui. Qui invite le Valais avec un vernissage le samedi 21 à 19h. Et puis vendredi demain à 19h, il y aura le vernissage à la plomberie de l'exposition d'Anna Katharina Scheidegger, From Glacier with Love, donc c'est une artiste qui en fait pareil travaille sur la photographie et essaie de conserver des traces en fait des grands glaciers dans les Alpes. Donc c'est toute une interrogation. À la fois ce sont des images avec un traitement contemporain donc, qui permettent de rentrer dans l'univers du glacier. Mais il y a toute une réflexion sur l'environnement et la forme des glaciers. Donc ça c'est absolument à découvrir. Et oui. Et puis je ne serais pas complet si j'oubliais le zoétrope. D'accord. Alors qu'est-ce que le zoétrope? C'est en fait la reprise d'un système qui existait, enfin les prémices du cinéma. Ça existait dans les familles au début du siècle dernier. Une petite machine qu'on actionnait dans laquelle on installait une bande d'image et en tournant ce zoétrope, l'image s'animait. Donc on était sur le début du dessin animé, l'image en mouvement. Et là, on a demandé, c'est les équipes de menuisiers de la ville, donc on peut mettre à l'honneur, qui ont réalisé un zoétrope géant. Il fait quand même 2 mètres de haut, 1 m60 de diamètre. Oui. Et les images, voilà, donc on pourra se mettre à plusieurs autour. Les images qui sont dedans sont des images de Claire Arthur. La découpe de l'animation a été réalisée par Damien Fontaine, donc oui. encore le duo de choc. Et on va, les gens vont pouvoir tourner le zoétrope à la main, se mettre devant et voir cette image de Claire Arthur se mettre en mouvement. C'est le principe de la persistance rétinienne, donc et de la décomposition du mouvement qu'on va pouvoir découvrir en direct. Que d'innovation pour cette 4e édition de la Fête des Images, donc qui aura lieu ce week-end, vendredi 20 et samedi 21 septembre à Épinal. Alors il existe un site internet et une page Facebook pour retrouver toutes ces informations que nous venons de vous donner. Eh bien, je vous remercie beaucoup Monsieur Philippe Urbain d'avoir répondu à toutes mes questions. Et une très très belle fête des images. Est-ce que peut-être il y avait quelque chose à rajouter? Écoutez, ce que je peux rajouter, c'est le plaisir de savoir qu'il va faire beau et que ça devrait être une pour le coup une belle fête sous cette voûte étoilée. Voilà. Oui, et puis je cite, pendant ces deux jours de fête, Épinal devient une image qui va vous émerveiller. Merci beaucoup, monsieur Merci Urbain. À très bientôt et une très très belle fête des images à tous. Merci.